Voici maintenant un aperçu de la tragédie de Cinna. Après de sanglantes luttes fratricides, Octave, petit-fils puis fils adoptif de Jules César, reçoit, en 27 avant Jésus-Christ, le titre d'Auguste, c'est-à-dire vénérable à l'égal des dieux et donc intouchable. C'est le début de l'Empire. Auguste a pour surnom César, qui deviendra bientôt synonyme d'empereur. Mais, quelques 20 ans plus tard, au milieu de son règne, tous les ressentiments envers l'empereur Auguste César sont loin d'être oubliés. C'est ce moment qu'a choisi Corneille pour faire commencer sa tragédie de Cinna qui se déroule à Rome.